12h30 à l'écoute de CKRL. Bonjour, voici les informations. D'abord, la Canadienne d'origine iranienne, Maud Farr, a été libérée. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a confirmé l'information dans la dernière heure. L'anthropologue et professeur retraité de l'Université de Concordia était emprisonné, on le sait, en Iran depuis juin dernier. À 65 ans, Maud Farr s'était rendue dans ce pays pour rendre visite à sa famille et poursuivre ses travaux de recherche sur les femmes musulmanes dans le monde. Le régime iranien l'accusait d'avoir collaboré avec un gouvernement hostile et d'avoir fait de la propagande. Ce fut un dossier délicat à gérer pour Ottawa, puisque le Canada ne possède plus d'ambassade à Téhéran depuis 2012 et les relations diplomatiques sont rompues avec ce pays. Scène municipale, les élus de l'opposition accusent la Ville de Québec de négligence en matière d'eau potable. Les trois élus de Démocratie Québec pointent notamment du doigt la pollution qui est causée en hiver par les dépôts en neige qui se déversent dans les cours d'eau. L'opposition dit avoir en main des documents obtenus grâce à la loi d'accès à l'information, documents qui démontrent que 5 dépôts à neige déversent leurs eaux usées dans la rivière Saint-Charles, et sur les 12 dépôts que compte la ville, un seul respecterait les normes environnementales. Et révélation étonnante aujourd'hui au Palais de justice de Québec où se poursuit le procès d'Alain Perrault. Trois témoins présentés par la défense affirment avoir vu Lynn Massicotte dans les jours qui ont suivi sa disparition en juillet 2003. L'un de ces témoins, qui a déjà témoigné au premier procès, affirme qu'elle a rencontré la femme de 43 ans de Chambly avec qui elle se serait entretenue pendant une trentaine de minutes dans le secteur du Vieux-Québec. Lynn Massicotte lui aurait notamment confié qu'elle se sentait harcelée par sa sœur, et c'est une information nouvelle qui n'avait été jamais révélée lors du premier procès. Et à la surprise générale, la défense a présenté deux autres témoins qui, eux aussi, auraient aperçu Lynn Massicotte dans la région de Québec. Après l'exposé de la défense ce matin, c'est la couronne qui devrait se faire entendre cet après-midi. Et nouvelle enfin concernant les habitués du bar Le Quartier de Lune qui s'est envolé et qui est parti en fumée il y a un an de ça sur la rue Cartier. Eh bien, l'équipe du Quartier de Lune a confirmé sur sa page Facebook que le bar revivrait dès la mi-octobre, mais cette fois dans le quartier Limoilou, le quartier de Lune qui occupera l'établissement actuel du Sinatra Bar qui est situé au coin de la 3e avenue et de la 11e rue. Il y a quelque temps, on apprenait il y a quelque temps qu'un groupe d'investisseurs composé notamment du chanteur Éric Lapointe s'était manifesté pour faire revivre le bar.